Yeah. Ooh, ooh, ooh. Yeah. Elle a tout ce que j'aime. Nous deux, c'est la même. Personne pour nous séparer. Aux autres, je peux pas comparer. Sur mon chemin, elle est tombée. Ton corps, laisse tomber. Me l'enlever, faut pas essayer. Cette fille, je l'ai méritée. Photo, c'est mon cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau. Cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, yeah. Photo, c'est mon cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, yeah. Cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, yeah. Elle a tout ce que j'aime. Nous deux, c'est la même. Personne pour nous séparer. Aux autres, je peux pas comparer. Sur mon chemin, elle est tombée. Son corps, laisse tomber. Me l'enlever, faut pas essayer. Cette fille, je l'ai méritée. Photo, c'est mon cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau. Cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, yeah. Photo, c'est mon cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau. Cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, yeah. Hey, yeah. Elle s'en fout de mon espèce. Je ne vois qu'elle dans la pièce. Je t'aurais, c'est ce que je disais. On verra, c'est ce qu'elle disait. Je lâchais pas l'affaire. Je savais comment faire. Mais tu te faisais désirer. T'aimais quand je dirigeais, ouais. Y'avait des filles sur le côté. Je les ai laissées sur le côté. Par quoi j't'ai intéressé. Yeah, yeah, yeah. Pourquoi parler du passé? Je m'en fous de ce qui s'est passé. Les souvenirs sont tassés. Tout a changé, tout a changé. Maintenant sur moi elle peut se reposer. Peut se reposer. Devant moi elle perd sa fierté. Perd sa fierté. Elle sera toujours à mes côtés. À mes côtés. Elle a tout ce que j'aime. Nous deux c'est la même. Personne pour nous séparer. Aux autres je peux pas comparer. Sur mon chemin elle est tombée. Ton corps laisse tomber. Me l'enlever faut pas essayer. Cette fille je l'ai méritée. Poto c'est mon cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau. Cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, yeah. Poto c'est mon cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, yeah. Yeah. Maintenant c'est quoi la suite? Moi je compte pas prendre la fuite. La mettrai à l'abri, c'est son cœur que j'ai pris. Des regrets j'en ai pas, voir une autre je veux pas. Des voyages on repart, une balade on rentre, yeah. Avant elle se méfiait de moi, depuis le début j'étais droit. Pour qu'on ne soit pas en froid, yeah, yeah. Pourquoi parler du passé? Je m'en fous de ce qui s'est passé. Les souvenirs sont tassés. Tout a changé, tout a changé. Maintenant sur moi elle peut se reposer. Peut se reposer. Devant moi elle perd sa fierté. Perd sa fierté. Elle sera toujours à mes côtés. À mes côtés. Elle a tout ce que j'aime. Nous deux c'est la même. Personne pour nous séparer. Aux autres je peux pas comparer. Sur mon chemin elle est tombée. Son corps laisse tomber. Me l'enlever faut pas essayer. Cette fille je l'ai mérité. Photo c'est mon cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, yeah. Photo c'est mon cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, yeah.